J'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet qui est extrêmement de bonne humeur. Ah bah oui, un best-of McCartney de 2 heures. La semaine prochaine, re-best-of McCartney 2 heures. Vous savez que je peux continuer, hein. Je peux faire un autre best-of McCartney la semaine d'après. Bon là, il faudra que je reprenne dans ce que j'ai... Enfin, non, pas que je reprenne, non, je pourrais même passer des chansons différentes, mais il faudra que je reprenne la période 1970-2025. Mais bon, on n'est pas encore là. Sachez que, il y a très longtemps, je m'étais amusé, pour le plaisir, à graver sur des CD. J'avais fait un spécial Ringo Starr, gravé sur le CD, le meilleur de Ringo Starr, 2 heures, sans problème. Après la séparation, hein, je parle, après la séparation. J'avais eu quelques problèmes pour faire le spécial John Lennon. J'avais été obligé de taper dans les Beatles. C'est normal, hein, il en a fait moins, le pauvre, et pour cause. Il a une bonne excuse. Mais ça collait, 2 heures, ça calait. J'avais réussi à faire un best-of George Harrison. Sans problème, ça passait bien. Et quand j'étais venu au best-of McCartney, j'en avais fait 6 heures. Et au bout de 6 heures de best-of, j'étais pas satisfait. J'avais pas mis tout ce que j'aimais. J'avais mis une grande partie de tout ce que j'aimais à l'époque. Hein. C'était il y a plus de 20 ans. Mais j'avais pas tout mis. Donc, je pense que ça va être bien. Je pense que ça va vous plaire. Mettez-vous dans votre canapé, tranquille. Alors, pas regarder la télé. Il n'y a rien à la télé. Vous prenez votre café au cas où. Même, il n'y aura peut-être même pas besoin. C'est parce que je pense qu'il va vous tenir éveillé, Paul McCartney. On écoutera. Alors là, pour la première partie, ça va être comme j'ai fait pour les autres best-of. On démarre avec les Beatles, 9 chansons les Beatles, et puis on passe, 10 chansons les Beatles même, et on passe à McCartney à partir de 70. Puisque quand j'ai dit que j'avais fait des best-of il y a 20 ans, justement, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Bon, et la semaine prochaine, ce sera uniquement du McCartney à partir de 1992. On se donne rendez-vous sur le groupe La Saga des Fab Four, et on commence tout de suite. Première chanson du premier album des Beatles. Quand je l'ai vu devant moi, disait Johnny Hallyday. I saw her standing there. The Beatles. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? « dès le début, ils marquent leur patte, les Beatles, puisque c'est sur cet album-là, d'abord, c'est un groupe déjà rodé à la scène, déjà qui a des centaines d'heures derrière lui pour avoir fait des sets de 8 heures à Hambourg, etc. Des trucs complètement fous qu'on ne fait absolument plus maintenant, heureusement. Mais ils sont déjà au point. Ensuite, à l'époque, en 1963, faut se remettre toujours dans le contexte. Les nouveaux groupes reprennent la plupart du temps des chansons que des compositeurs composent exprès pour eux. C'est comme ça, dans les années 60, c'était comme ça. Là, sur le premier album des Beatles, dès le début, on tape des points et on dit, eh ben, 8 chansons sur les 14 seront faites par la griffe McCartney-Lennon. Attention, c'est la première et la seule fois sur le premier album, vous pouvez aller vérifier, à moins que ça ait été changé sur les rééditions après, que les chansons sont signées McCartney-Lennon. Après, ils choisiront Lennon-McCartney pour une raison, ça sonnait mieux, je pense, c'était plus facile à retenir, Lennon-McCartney. Ou peut-être que Lennon voulait bien dire que c'était lui le patron, je ne sais pas. Mais voilà, dès le début, il commence en mettant la sauce avec « I saw her standing there ». On passe en 1964, quelle belle année. Il paraît que des légendes sont nées cette année-là. Voici extrait de « Hard Day's Night ». Je l'aime, aurait dit Johnny Hallyday. « And I love her » sur RJ. Du grand McCartney. McCartney est à l'honneur aujourd'hui jusqu'à 22h sur RJ. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. Kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. I'm gonna tell it, man.

Vous savez que ici à Érigé, à Blanquefort, à côté de Bordeaux, nous avons un ordinateur qui nous permet de savoir qui nous écoute et d'où il nous écoute. Il paraît que depuis la semaine dernière, il y a une certaine Lynn du Lot qui écoute la saga des Fab Four. Bonjour Lynn, bonsoir même pour être précis. Il paraît que tu sais faire des coussins. Alors, c'était mon anniversaire il y a un peu plus d'un mois. Si tu veux me faire un coussin, la saga des Fab Four, c'est un super cadeau. Faites comme vous voulez. La suite de la saga, c'est maintenant. Rigby, fix up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Nous sommes déjà en 1966, c'est volontaire, hein. Seulement 10 chansons des Beatles et puis après on passe à du McCartney pur cru, pur sucre, mais du bon, du très très bon. La preuve que les Beatles cherchaient sans arrêt à innover, sans arrêt à faire un nouveau son, à travailler quelque chose. Cette chanson, Eleanor Rigby, vous trouvez que ça ressemble à quelque chose d'habituel? Non, il y a aucun autre des Beatles dedans, puisqu'il y a de la corde, enfin des violons et tout ça. Mais c'est absolument fantastique, cette chanson-là. Quelle belle idée, McCartney est un véritable génie. Je ne saurais pas trop comment le dire autrement. Et c'est du grand, grand, grand, du très, très grand. Et quand vous pensez qu'un an plus tard, en 1967, sur l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, le petit gars qui avait une vingtaine d'années a enregistré une chanson pour quand il aurait 64 ans. Et cette chanson a bien marché. Moi, quand il est arrivé à 64 ans, McCartney, j'espérais un Now I'm 64 tour. Mais il n'a pas voulu parce que Paul, il a 17 ans dans la tête, tout le temps. Même maintenant à plus de 80 balais. Il a toujours 17 ans. Il aime faire de la musique, il ne sait faire que ça. Quand on lui a dit « Est-ce que tu voudrais prendre ta retraite ?», il avait téléphoné à Willie Nelson, qui est encore là et qui est plus vieux que lui. Et Willie Nelson lui avait répondu « Mais pour faire quoi, la retraite ?» Parce qu'il ne sait faire que ça. Il n'aime que faire de la musique. Donc si il ne doit pas en faire profiter les autres, autant qu'il continue. Et tant qu'il aime ça, tant qu'il peut le faire. Merci Paul. Get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. A postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Quand j'aurai 64 ans. Et j'en ai 61 déjà. Ça approche. Finalement, c'est pas mal l'idée là qui est venue à... Je ne me souviens plus du nom de réalisateur qui veut faire 4 topics sur John, Paul, Ringo et George. Donc, probablement, je pense, si j'ai bien compris, la même histoire, mais du point de vue de chacun des 4 Beatles. Parce que là, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de 68, où ça commençait à grincer, etc. On pourrait faire la même chose, le point de vue de tous les Beatles arrivés en 68, par exemple. Paul McCartney, lui, il continue à y croire, il continue à avoir envie de développer, à avoir envie de rendre hommage, par exemple, aux personnes du passé, de 1930, quelque chose comme ça. Il l'a fait pour When I'm 64, et il le fera encore d'autres fois. Voici une chanson de Paul, de 1968, qui s'appelle Honey Pie, sur RIG. She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. You are making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. To be where you belong. Honey pie, come back to me.

La chanson de la discorde, enfin la chanson qui a allumé la mèche, voilà, parce que Paul voulait que cette chanson soit intimiste et Phil Spector en a fait ce que vous avez entendu. Attention, j'aime beaucoup cette chanson dans cette version là, mais McCartney voulait, parce qu'il avait un peu pris le lead quand même depuis 1967, même si, encore une fois, rappelez-vous, en début d'émission, je vous ai dit, on affirme quelque chose sur les Beatles et on peut trouver le contraire. Là, si on dit McCartney a pris le lead depuis 67 jusqu'en 70 sur les Beatles, Lennon a quand même sorti I Am The Walrus, Strawberry Fields Forever, des trucs comme ça, quoi, des petits trucs de rien du tout, hein, on est d'accord? Donc des trucs extraordinaires, voilà. Donc ça n'est pas vrai, Lennon n'était pas derrière, loin, complètement déboussolé. De toute façon, il y avait une émulation d'enfer entre les deux. Quand l'un sortait quelque chose, l'autre voulait faire mieux. C'est comme ça que ça marchait entre les Beatles. Tout ça pour vous dire que cette chanson, cet album même, Let It Be, il est devenu Let It Be en 1970, mais au départ, McCartney avait dit, on n'a qu'à essayer de faire un album de retour aux sources, quoi. Le juste nous quatre, ce qu'on est capable de faire sans rien réenregistrer, sans ajouter d'effets spéciaux ni quoi que ce soit. Et ça n'a pas marché comme ça. Ça n'a pas marché comme ça. L'album est resté dans les tiroirs. Il a réussi, McCartney, à les faire revenir une dernière fois pour faire l'album Abbey Road. Quel chant du cygne extraordinaire. C'est le dernier album enregistré, c'est l'avant-dernier album sorti. C'est comme ça. Mais là, à partir de là, 70, McCartney en a marre et il commence sa carrière solo. Là, voici la carrière solo de McCartney dans le Best of McCartney de cette saga des Fab Four numéro 639. C'est la saga. C'est donc sur le premier album de McCartney qui s'appelle McCartney, tout simplement, sorti en 1970, qu'on retrouve ce que je vous ai proposé, Hot as Sun et Glasses, qu'on n'écoute jamais, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous le mettre, et Maybe I'm Amazed à l'instant, qu'il reprendra très souvent en concert. Cette chanson-là, il l'a dit, c'est simplement le gros coup que j'ai eu après avoir compris que les Beatles c'était fini. Je me retrouvais dans ma ferme, tout seul, isolé, loin du monde, puisque je ne voulais voir personne. Je me mettais à boire, je ne savais pas quoi faire, mais il y avait une encre, ma femme, Linda, celle qui me donnait tout son amour et qui m'a aidé à relever la tête et à ressortir un petit peu. Et c'est pour elle qu'il a enregistré cette chanson, Maybe I'm Amazed, très très belle chanson. Et puis, avec le temps, comme Lennon mettait des vacheries sur Paul McCartney, McCartney a dit... Mais je vais faire un petit peu, moi aussi, je vais répondre un petit peu. Voici une des chansons, Too Many People. Dans la chanson, il dit, il y a trop de gens qui... Il ne s'adresse pas directement à John, comme, alors que John s'adresse directement à Paul. Il lui dit, il y a trop de gens, Paul McCartney, qui vont prêcher des trucs, alors qu'il ferait mieux peut-être un petit peu de la fermer. Alors là, je globalise, hein, ce n'est pas tout à fait le message. Mais ils vont passer un petit peu de temps à se shampouiner un petit peu de chanson en chanson. 90.7 spécial Paul McCartney. Oh, baby, don't you let me down tomorrow. Holding hands, we both abandon sorrow. Tomorrow sur l'album Wings Wildlife sur RIG 90.7. Sur le même album, McCartney, donc on est en, oh, j'ai oublié de vous le dire, on est en 1971. Donc la même année, sur l'album Ram, il met un petit tacle à John Lennon. Et sur l'album Wildlife, en fait, il lui dit Dear Friend, très très belle chanson dans laquelle il tend la main pour lui dire bon, et on est potes, hein, finalement. Ils vont redevenir potes puisque dès 1974, à un moment donné, McCartney sera aux États-Unis et il passera voir John Lennon. Et ils vont se réconcilier. Et surtout, ce que McCartney a beaucoup aimé, il aurait voulu le faire beaucoup plus tôt, c'est que dans les dernières semaines, en 1980, avant que ce soit passé ce qui s'est passé, il avait pu voir John et puis ça allait bien, ça allait bien. Ils avaient pu vraiment mettre à plat et puis tout allait bien. Bon, en 73, McCartney, c'est une grande année parce qu'il va s'associer à nouveau avec un certain George Martin pour... on lui demande de faire de la bande originale d'un film pour un nouvel arrivant. Il s'appelle Roger Moore. Il va faire les James Bond. Alors, ce qui est embêtant, c'est que... Roger Moore, dans son premier James Bond, c'est pas le meilleur. Enfin, c'est pas le meilleur James Bond, en tout cas. Mais par contre, la bande-son, Live and Let Die, quel merveilleux morceau. Et je vous dis ça, et je constate que je l'avais sur ma programmation. Je vais le laisser parce que c'est trop, trop marrant. Je l'avais sur ma programmation, mais je l'ai pas mise sur l'ordinateur. Ce qui fait que on va écouter Jet et puis oublier ce que je vous ai dit. Il va falloir que je me concentre ou alors que je dorme un peu. Jet, extrait de l'excellent album Ben on the Run sur RIG. misunderstood. It's everywhere with my love. Une chanson qu'il a écrite pour sa femme Linda. Quelle belle chanson, celle-là, My Love, en 1973 aussi, mais cette fois sur l'album Red Rose Speedway. Bon, mon commentaire sur Live and Let Die a été un peu en avance, alors pour essayer de me rattraper, voici Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let me. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. this ever-changing world in which we live in makes you. Live and let die. Je repense toujours au concert de Paul McCartney. C'est le seul moment que je déteste, Live and Let Die, parce qu'il y a de la pyrotechnie. Et je fais partie des rares personnes qui ont peur des détonations. Mais vraiment peur. Et donc, je suis pas agréable. Heureusement, justement, sur ce côté-là, McCartney est très prévisible. Je sais qu'il y a de la pyrotechnie uniquement sur ce titre-là. Il n'y en a pas sur d'autres. Donc, une fois que ça est passé, je suis plus tranquille. Et puisqu'on parle de live, je vous propose de continuer à monter les années. Nous arrivons en 1975. Écoutez cette version-là sur l'album Wings Over America. Elle est encore meilleure que la version studio. Elle est vraiment absolument fantastique. Magneto and Titanium Man sur RG. C'est le spécial Paul McCartney 1962-1990 sur RG. Première partie. Night. enchaîner les tubes. 1976. On dit à Paul McCartney, t'en as pas marre de faire des petites chansons d'amour stupides? Il en fera un tube. Silly Love Songs. Je compte sur vous pendant les chœurs. I love you. RIG 90.7. La radio des Beatles. 1977, Paul McCartney, enfin, il y a un nouvel enfant chez les Paul McCartney. J'allais dire, Paul McCartney donne naissance à James. Non, c'est plutôt Linda qui l'a fait. James qui a bientôt 48 ans, qui cherche à décoller musicalement. J'ai entendu 2-3 trucs qui m'ont laissé entendre que c'était un peu mieux qu'au début. Au début, franchement, je me disais, à part le nom de McCartney, je ne m'arrêterais pas devant un gars comme ça. Et finalement, ça va peut-être le faire, peut-être. Mais enfin, c'est avec un père avec une aura comme ça, ça doit être très difficile. Bref, en 1977, c'est calme musicalement pour Paul McCartney. Sauf que il nous sort un 45 tours, co-écrit avec Danny Lane, qui va battre des records. 2 millions de 45 tours vendus rien qu'en Grande-Bretagne. À l'époque, c'est marqué dans l'album des records. C'est Mull of Kintyre sur RIG. Je me souviens des passages radio à l'époque. J'avais 13 ans. Mull of Kintyre, on me strolling in from the sea. My desire is always to be on Mull of Kintyre. Travel and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, Ne manquez pas votre rendez-vous radio Johnny de A à Z ce mercredi 21 mai. Je confirme, nous sommes bien le 21-2025 sur RIG dès 22h en exclusivité avec Eric. Il y aura des extraits du concert de Toulouse du 2 et 3 juin 2000 avec la participation d'Angel, pourquoi j'arrive pas à le dire, Angeline Anonier, What's Love, choriste de Johnny Hallyday, Gérard Grégo, etc. Donc, soyez présents à partir de 22h, peut-être une petite virgule si on prend un tout petit peu de retard. Et ce sera très bien, ce sera Johnny de A à Z avec Eric. 1978, celle-ci aussi, je m'en souviens à la radio, j'adore cette chanson, je vous propose la version radio, la version... Ah, c'est la version DJ, donc elle est peut-être un peu plus courte. Oh, 3 minutes, ça va. With a little luck sur RIG. C'est la première fois qu'il mettait les synthétiseurs en avant et il réussit comme d'habitude. With a little luck, we can help it out. We can make this whole damn thing work out. With a little love, we can lay it down. Can't you feel a town exploding? There is no end to what we can do together. C'est bien. Réglez vos montres sur, enfin vos tuneurs sur RIG, parce que Eric, ça le fait rire. C'est RIG 90.7. Écoutez. We'll be right back. Reception et Old Science, tous les deux extraits de l'album Back to the Egg, ce chef-d'œuvre que je bénis et qui j'ai malheureusement oublié même de son créateur, alors que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un très très très très très bon album. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense que vous n'êtes pas nombreux, ceux qui écoutent, à ne pas le savoir, Rockestra Theme, ça vient de cet album-là, ça vient de l'album Back to the Egg. Nous sommes en 1979, l'été 79. Paul McCartney a chaud, a très très chaud. Et McCartney, c'est son esprit britannique probablement, il a chaud, alors il pense à Noël. Et il nous fait une chanson de Noël, absolument superbe, Wonderful Christmas Time. Il a enregistré tout seul, comme un grand, en plein été, en pleine cagnasse. C'est Paul. The moon is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having a wonderful Christmas time, simply having a wonderful Christmas time, the party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. J'accélère à fond parce que je crois que des chansons vont obligatoirement être mises de côté. Malheureusement. C'est comme ça, c'est ainsi. Je dois rendre l'antenne à l'heure, à 22h04. C'est ce qu'attend Eric. Il ne veut pas que je rende l'antenne plus tôt. 1980. Paul McCartney part faire une tournée au Japon qui va être un échec total puisqu'il est pris à l'aéroport avec quelques grammes de... des cheveux qu'il faut fumer et qui font rêver un peu, ouais, mais qu'il ne faut pas faire, hein, messieurs, dames. Il ne faut pas le faire. Du coup, il va faire un peu de prison. Et du coup, ben, les membres du groupe Wings vont dire « Oh ben moi je m'en vais, oh ben moi je pars ». Bon, ben, qu'à cela ne tienne, McCartney fait, à partir de 1980, sort McCartney 2. Donc voici un extrait. Coming up, John Lennon a eu le temps d'entendre cette chanson et il a dit de ce titre-là « Beau travail, Paul ». Arrive décembre 1980 et ce que vous savez, McCartney, lui, quand il a beaucoup de peine, il se plonge dans le boulot et il va mettre 2 ans pour refaire surface musicalement et il va nous sortir une très très belle chanson en hommage pour son pote. C'est Here Today sur RIG. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today,

wasn't always such a pretty sight, 'cause we used to fight like cats and dogs till we made it up in the ballroom. Ballroom dancing made a man of me. One, two, three, four. I just plain adore your ballroom dancing. Seen it on TV. I got quite a lot from ballroom dancing. Big, big, big. Le best of McCartney, première partie. Un gars qui en méritait à l'époque. Say McCartney avec Michael Jackson sur RG. C'est ça. Standing On accélère un tout petit peu parce que je tenais à passer celle-ci de 1986 parce que je l'adore. J'aurais voulu être dans le métro à ce moment-là. Press to play, c'est l'album. Press, c'est le titre de la chanson. Il était dans le métro pour le clip et il avait prévenu personne. I love you very, very, very much, and I really am relying on your touch. But with all these people listening in, I don't know where I ought to begin. Maybe we could hit upon a word, something that the others haven't heard. Passera cette chanson parce que je veux obligatoirement terminer par cette chanson de 1989, My Brave Face sur RG. Table. I'm déjà sur la saga de ce soir, j'ai enlevé quelques titres. Et quand je l'avais programmé, que j'avais déjà laissé passer d'autres titres, je vous dis 6 heures de McCartney, c'est le minimum pour faire un petit best-of dans lequel on sera pas encore content, mais quand même. Allez, j'ai fait ce que j'ai pu pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour le best-of de 1992 à 2025. Et je vous souhaite une très bonne soirée avec Eric. Ça va être génial, j'en suis sûr. À très bientôt. Ciao. No!